Où est-ce que tu voudrais aller pour le week-end du 14 juillet? J'aimerais bien aller en Dordogne. Tu sais, c'est un peu loin pour 3 jours. Alors, on va en Bourgogne. Où en Bourgogne? Dans la région des vins? Oui, c'est une bonne idée. On pourra acheter un peu de bon vin.